qui est important, qu'on soit roi ou qu'on dépave les rues, c'est d'être un individu bien. Il n'y a rien de plus horrible qu'un homme malheureux, parce qu'un homme malheureux fait le malheur. C'était Patrick, c'était la street, c'était la squad sur le Duris. Bienvenue à la banane, ici ça tire, ça te pète ton crâne. Ici, ça vend de la coque, ici tout petit, j'ai des armées. T'as même des grands qui viennent camer, c'est pas le 20h qu'on s'est réglé. C'est bien le 20e, c'est bien la haine, c'est bien la squad, t'as la banane. Chacun, on s'est peut-être croisé, je me faisais courser, j'étais chargé. La squad, elle me détaillait, et le diable charge la bombe. Midi, mini, ça charbonne, ça me dit remake de mon époque. Remake de mon époque, où tu rembours, vendais de la drogue. J'étais tout petit, je vendais du shit, c'était pas triste, c'était la street, c'était la squad sur rue du Rix. La squad, l'amour du risque, la barque passe, gros c'est risqué. Tu viens te saigner, tu te sens pisté, mais tu saignes le terrain. La rue la vraie, et c'est gagne-pain, des noirs, des blancs, des sarrasins. Connard, me sers pas la main, Bendero, dis-leur ma gueule qu'on a les crocs. Dis-leur que l'affaire est salée, que ça dans ma gueule, on veut croquer. Pourquoi ce serait pas notre tour ma gueule, quitter la tour. Notre tour de quitter le four, la juste cette pute, elle fait la sourde. Elle te fout droit pour très peu de coude, elle te foutra, on prend au coup. La squad, lui s'en fout, ce qu'il veut ma gueule, gros c'est des sous. J'habite pas là, je suis de la banane, lui je viens d'un coin, on t'a banane, lui je viens d'un coin, pas très banane. La rue la veille, chaque accès sale, les petites arrêtes, tu deviens tout pâle. Une fois sans i, ma gueule tu grattes, 24-24, y'a de la patate, 7 jours sur 7, y'a du poulet. Le four, il est grillé, nous on s'en fout, on veut manger. J't'ai dit bien vu à la banane, la rue la vraie, gros ça fait mal. C'est pas marrant, gros c'est pas non, c'est vers le X, c'est pas le parrain. C'est pas un film, c'est pas le malin, tu me fais marrer à parler d'armes. La squad, elle vend de la banane, j't'ai dit ma gueule, vend de la banane. Ma gueule, j'ai vu à la banane. Ici, ça vend de la gomme, ici, ça tire, ça te pète ton crâne. C'était Patrice, c'était la street, c'était la squad sur le Duris. La squad, l'amour du risque. C'était la squad sur le Duris. La squad, l'amour du risque.